Chapitre 10. Le grand changement. Partout la nature se réveillait dans le wilderness. Le soleil plus haut au ciel éclairait d'un éclat merveilleux les rochers et les sites des montagnes. Dans les vallées, les bourgeons des peupliers étaient prêts à éclater. Le parfum des baumiers et des sapins se faisait chaque jour plus pénétrant. Dans les plaines comme dans les forêts, on entendait sans trêve le clapotant murmure des eaux provenant de la fonte des neiges qui inondait le sol et se frayait un chemin jusque vers la baie d'Hudson. La baie d'Hudson est une vaste mer intérieure qui s'enfonce profondément dans le territoire canadien et ne mesure pas moins de 1 000 km du nord au sud. Elle communique avec l'Atlantique par le détroit d'Hudson et à son extrémité septentrionale avec la mer de Baffin et l'océan Arctique par le canal de Fox, qui se trouve sous le cercle arctique. Dans l'immense baie, les champs de glace craquaient et s'écroulaient sans trêve avec un bruit pareil au roulement du tonnerre, et les vagues clapoteuses se précipitaient vers l'océan Arctique au Rose Welcome. La bienvenue des chevreuils, porte d'entrée du canal de Fox. Le violent courant d'air qui en résultait faisait encore par moments passer dans le vent d'avril la froide piqûre de l'hiver. Le Sunrock s'élevait d'un seul jet, dominant le faîte des sapins qui l'entouraient. Sa tête chauve recevait les premiers rayons du soleil levant et les dernières lueurs du couchant s'y accrochaient encore. Sur ce sommet ensoleillé, la tanière de Kazan était bien abritée contre les mauvais vents, à l'opposé desquels elle s'ouvrait, et il s'y reposait délicieusement des 6 terribles mois d'hiver écoulés. Presque tout le jour il dormait, avec Louve grise couchée près de lui, à plat ventre, les pattes étendues, les narines sans cesse alertées de l'odeur de l'homme qui était proche. Elle ne cessait de fixer Kazan avec anxiété tandis qu'il dormait et rêvait. Elle grognait en découvrant ses crocs et ses propres poils se hérissaient lorsqu'elle voyait ceux de son compagnon se dresser sur son échine. Parfois aussi, une simple contraction des muscles des pattes et un plissement du museau indiquaient seul qu'il était sous l'effet du rêve. Alors il arrivait souvent que, répondant à la pensée du chien-loup, une voix s'élevait et venait jusqu'au Sunrock, tandis que sur le seuil de sa cabane, une jeune femme aux yeux bleus apparaissait. « Kazan ! Kazan ! Kazan ! » disait la voix. Louve grise dressait ses oreilles, tandis que Kazan s'éveillait et, l'instant d'après, se mettait sur ses pattes. Il bondissait vers la pointe la plus haute du rocher et se prenait à gémir, tandis que la voix renouvelait son appel. Louve grise, qui l'avait doucement suivi, posait son museau sur son épaule. Elle savait ce que signifiait cet appel et, plus encore que le bruit et l'odeur de l'homme, elle le redoutait. Depuis qu'elle avait abandonné la horde de ses frères et vivait avec Kazan, la voix était devenue la pire ennemie de Louve grise et elle la haïssait, car elle lui prenait Kazan et partout où la voix était, il allait aussi. Chaque fois qu'il lui plaisait, elle lui volait son compagnon qui la laissait seule rôder toute la nuit sous la lune et sous les étoiles. Quand ainsi la voix la faisait veuve, elle restait fidèle cependant et, sans répondre aux cris d'appel de ses frères sauvages, elle attendait le retour de Kazan. Parfois, lorsque Kazan prêtait l'oreille à la voix, elle le mordillait légèrement pour lui témoigner son déplaisir et grognait vers la voix. Or, ce jour-là, comme la voix retentissait pour la 3e fois, Louve grise, au lieu de s'attacher à Kazan et de tenter de le retenir, lui tourna soudain le dos et se tapit au fond de sa tanière. Elle s'y coucha et Kazan ne vit plus, dans l'obscurité, que ses 2 yeux qui flamboyaient farouches. Il grimpa vers la pointe extrême du Sunrock par la piste étroite, usée sous ses griffes, et demeura indécis. Depuis la veille, un certain trouble qu'il ne pouvait s'expliquer était en lui. Il y avait du nouveau qui rôdait sur le Sunrock. Il ne le voyait point, mais il le sentait. Il redescendit vers l'ouve grise et passa sa tête à l'entrée de la tanière. Il fut accueilli non par la plainte caressante coutumière, mais par un grondement menaçant qui fit retrousser sur ses crocs les lèvres de la louve. Pour la quatrième fois, la voix se fit entendre, et l'ouve grise claqua farouchement des mâchoires. Kazan, après avoir encore hésité, se décida à descendre du Sunrock et fila dans la direction de la cabane. Par l'instinct de défiance du Wild qui était en lui, il ne prévenait jamais de son arrivée par aucun aboi. Il apparut si soudainement et sans crier gare que Jeanne, qui tenait son bébé dans les bras, sursauta en apercevant dans la porte la tête broussailleuse et les larges épaules de Kazan. Mais, nullement effrayé, l'enfant s'agita et se contorsionna de plaisir et tendit vers le chien loup ses deux menottes en émettant à son adresse un gentil baragouin. « Kazan !» s'écria Jeanne doucement, avec un geste de bienvenue. « Viens ici, Kazan !» La lueur sauvage, ardente comme du feu qui luisait dans les prunelles de Kazan, tomba. Il s'était arrêté une patte sur le seuil de la cabane et semblait répugner à avancer. Puis, tout à coup, abaissant le panache de sa queue, il s'écrasa sur le sol et entra en rampant sur son ventre comme un chien pris en faute. Il affectionnait les créatures qui vivaient dans la cabane. Mais la cabane elle-même, il la haïssait, car toute cabane sentait le gourdin, le fouet et la servitude. Pour lui-même et comme tous les chiens de traîneau, il préférait pour dormir aux parois d'une niche bien close, le sol couvert de neige et le toit du ciel ou des sapins. Sous la caresse de la main de Jeanne, Kazan éprouva ce délicieux petit frisson coutumier qui était sa récompense lorsqu'il quittait pour la cabane l'ouve grise et le Wild. Lentement, il leva la tête, jusqu'à ce que son museau noir vint se poser sur les genoux de la jeune femme. Puis il ferma béatement les yeux, tandis que la mystérieuse petite créature qu'était bébé Jeanne l'asticotait à coups de pied mignons et, de ses mains menues, lui tirait ses poils rudes. Plus encore que la caresse de la jeune femme, ces jeux enfantins dont il était l'objet faisaient son bonheur. Immobile et concentré sur lui-même comme un sphinx et comme pétrifié, Kazan demeurait là, sans bouger, respirant à peine. Le mari de Jeanne n'aimait point à le voir ainsi et s'inquiétait toujours en ce cas de ce que pouvait ruminer le cerveau mystérieux du chien-loup. Mais la jeune femme était plus confiante en Kazan et le savait incapable d'une trahison. « Bon vieux Kazan !» disait-elle, « je te remercie d'être venu à mon appel. Bébé et moi, nous serons seuls cette nuit. Le papa du petit est parti au poste le plus proche et nous comptons sur toi pour nous garder. » Elle lui chatouillait le museau du bout de la longue tresse soyeuse de ses cheveux, ce qui, quel que fût son désir de n'en point broncher, faisait souffler et éternuer Kazan à la grande joie du marmot. Puis Jeanne, s'étant levée, s'occupa durant le reste de la journée à empaqueter toutes sortes d'objets qui se trouvaient dans la cabane. Kazan, qui l'observait, fut fort étonné de ce manège énigmatique. Quelque chose qu'il pressentait mais ne pouvait comprendre se préparait sans nul doute. Le soir venu, après l'avoir beaucoup caressé, Jeanne lui dit « N'est-ce pas, Kazan, que tu nous défendrais cette nuit ?» si un danger nous menaçait. Maintenant, je vais verrouiller la porte, car tu dois demeurer avec nous jusqu'à demain matin. » Elle se remit à caresser le chien-loup avec émotion. Sa main tremblait nerveusement. « Bientôt, sais-tu, reprit-elle, nous allons partir, nous en retourner chez nous. Notre récolte de fourrure est terminée. Oui, nous repartons tout là-bas, là où vivent les parents de mon mari, là où il y a des villes avec de grandes églises, des théâtres et des concerts de musique, et un tas d'autres des plus belles choses qui sont en ce monde. Et nous t'emmènerons avec nous, Kazan. Kazan ne comprenait pas ce que lui disait Jeanne, mais il agitait sa queue, tout heureux de voir que la jeune femme lui parlait. Il en oubliait l'ouve grise et sa rancune contre la cabane, et il s'alla coucher tranquillement dans un coin. Mais lorsque Jeanne et l'enfant se furent endormis, quand le silence fut retombé dans la nuit, son malaise le reprit. Il se mit sur ses pattes et tourna furtivement tout autour de la chambre, reniflant les murs, la porte et tous les objets empaquetés par Jeanne. Il gémit. La jeune femme, à demi réveillée, l'entendit et murmura. « Tiens-toi tranquille, Kazan, va dormir, va dormir. » Alors il ne bougea plus et demeura immobile au milieu de la chambre, inquiet et écoutant. Et à travers les murs de bûches de la cabane, il entendit une plainte lointaine qui venait faiblement jusqu'à lui. C'était le cri de l'ouve grise. Ce cri différait toutefois de celui qu'il avait coutume d'ouïr. Ce n'était pas un appel de solitude, c'était tout autre chose. Il courut vivement vers la porte close et se reprit à gémir. Mais Jeanne et l'enfant dormaient profondément et ne l'entendirent point. Une fois encore, le cri retentit et tout se tut à nouveau. Kazan s'étala devant la porte et y passa le reste de la nuit. C'est là que Jeanne le trouva, tout alertée, lorsque, le lendemain matin, de bonne heure, elle s'éveilla. Elle entr'ouvrit la porte et, en une seconde, il fut dehors. À toute volée, il s'élança vers le Sunrock, dont le soleil levant teintait le faîte d'une lueur d'or. Il y grimpa rapidement par la piste étroite et raboteuse, et ne trouva point que l'ouve grise fût venue au-devant de lui. Il atteignit la tanière et huma l'air, le dos hérissé et les pattes raides. Quelque chose de nouveau flottait dans l'air, et ce quelque chose était de la vie. Il se glissa dans la fente pratiquée entre deux rochers, et avançant la tête, se trouva nez à nez avec l'ouve grise qui n'était pas seule. L'ouve grise poussa un gémissement plaintif. Les poils s'aplatirent sur le dos de Kazan et il répondit par un grognement attendri. Puis, lentement, il recula et, dans la lumière de l'aurore, il se coucha devant l'entrée de la tanière, faisant à la louve de son corps comme un bouclier. L'ouve grise était mère.